إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زين تي رابيل بو بانسي لاو وازو دي نو سي بيان تي ليكران باش جو تابلو بوكو بلي تي بيتي كومباريو بو نو ان شاء الله كون نو فري فيزال ني فاي نو كوني كي دو لوت سيمين زو كاباب غان 42 بوس تابلو كي لي وينين فاسيليتي فور زو. Comment nous disions depuis la semaine passée, chers frères et sœurs, nous prenons une partie d'adorer le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui fait nous couper sa pratique qui nous fait gagner concernant nos esprits théories. Au moins dans une semaine, nous apprenons un bout de parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Résultat à la fin du mois, nous finissons apprendre un dura. Et comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Nadar Allah wajhu imra'an, qui Allah subhanahu wa ta'ala élimine visage en personne, figure en jimoun, samira maqali, li fin tan mou parole, fa hafidha, li fin mémorise li, wa ballarahu ila man lam yasma, et li amène sa dua la, li amène sa parole la, ben celui qui pantan ni. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, depuis sa hadith, a fait montrer nous valeur. Apprendre, mémorise, ban hadith. Alhamdulillah, souvent nous finissons, valer, mémorise, parole Allah. Pas aucun doute, ça c'est la première chose qui vient. Pas aucun doute, chers frères et sœurs, ça c'est le premier vœu qui un croyant bizarre et n'a maximum quantité de parole Allah subhanahu wa ta'ala, les bizarres font des efforts pour les connaître. Pas dix, quelques sabans surah qui m'ont fini à prendre de ma table, depuis mon petit. Non, mais seulement même ban surah qui pour aider moi demain quand on fait des bouts de namaz, mon capable lier quelques ban long rakat. Chers frères et sœurs, nous peut dire qui fait parce que quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire un celui qui mémorise Coran veut dire prendre depuis alhamd kaminal jinnati wan nas jour qiyama Allah subhanahu wa ta'ala pour accorder une faveur qui lui gagne droit fait chafara, intersection pour 10 parmi ceux de la famille. 10 parmi ceux de la famille qui méritent l'enfer, étant donné qu'ils ont dans la famille, il y a un hafiz Qur'an, al-Jannah. Étant donné qu'ils ont dans la famille, il y a celui qui mémorise Qur'an. Ça, c'est la famille-là en général. Qui fait, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fingode, elle l'autre récompense pour ses parents, pour son maman, papa, qui motive, qui encourage, finir la patience avec ses enfants-là, afin qu'ils atteignent cet objectif-là. Oui, chers frères et sœurs, comment nous peut dire que ça nous habitue cette année. Ça nous connaît concernant valeur mémorise Coran, mais seulement concernant mémorise parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est capable d'une petite parole, il est capable de quelques mots, et ça qui plus encore, c'est qu'il a dit ça pas nécessaire d'apprendre en arabe. Hadith là, Coran, nous pouvons apprendre en arabe pour nous capables de réciter, nous capables de lire, mais un hadith, nous apprendre même pas sa signification. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, parmi les récompenses qu'il fait nous qu'on est attaché avec l'action, les efforts que Sadimouna vient faire, c'est que Sadimouna, jour qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala pour éliminer ce visage. Oui, chers frères et sœurs, comme nous avons dit la semaine passée, Allah subhanahu wa ta'ala fin accorde nous beaucoup de faveurs. Et parmi les faveurs, c'est que quand nous guettons nos conditions physiques, nous trouvons, nous, alhamdoulilah, nous faisons un manquement. Mais qui, quand on dit que le salaté est là, comme il y a des gens comme ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça qui fin enseigne nous, c'est que quand nous trouvons une personne dans sa situation-là, si nous trouvons une personne dans sa situation-là, sans aucun doute, nous gagnons pitié pour lui. C'est fini automatique ça. Nous gagnons sympathie pour lui. Mais seulement, Ça qui nous vise à imaginer, c'est qui est un quelqu'un qui finit à cause de moi une faveur qui a aujourd'hui moi mon pas comme ça. Et là une personne qui finit, une quelqu'un qui finit à cause de moi une faveur qui a aujourd'hui moi mon pas dans sa personne là ça, sa situation. C'est qui ça là? C'est juste Allah subhanahu wa taala. Parmi mon maman, parmi mon papa, parmi mon personnel. L'hôpital, etc. N'oubliez tout cela. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, ça qu'en parmi nous. Commence par celui qui peut causer avec celui qui peut écouter. Si aujourd'hui, je trouve mon délamé, mon délipié, je trouve mon membre de corps peut fonctionner, qui s'en a fini de moi ça? Qui s'en a fini? Accorde-moi ça. C'est juste Allah subhanahu wa ta'ala. Peine à l'autre, chers frères. Peine à l'autre. Excepté qui, c'est une faveur Allah. C'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, quand on trouve un dimoun dans une situation, qui y en a un manquement, parmi ces bonnes conditions physiques, nous dit Alhamdulillah. C'est ça qui nous dit pour la semaine passée. Nous dit Alhamdulillah. Alhamd, comment nous t'expliquer? Aliflam, Aliflam, divine, comment, dans anglais, the, veut dire, nous peut définir Hamd. Hamd qui veut dire éloge. Lillah pour Allah veut dire tout éloge qui est là pour qui s'en a pour Allah. Ça que nous dit la semaine passée, chers frères et sœurs, l'ibizin dans nous, quelle que soit la situation, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mon gain en faveur, mon don problème, mon gain mauvaise nouvelle, Alhamdulillah, oui, non. Alhamdulillah. Il restait qui? Mon fini conditionne-moi. Quelle que soit la situation, Alhamdulillah. Alhamdulillah, qui s'en a sûr? Comment nous dit la semaine passée, Alhamdulillah, c'est quoi? C'est qui quand nous dit éloge pour Allah, divine de deux façons. Un, quelle que soit la situation, tout éloge pour Allah. Mais seulement, Alhamdulillah, parce qu'il m'a fait finir manger. Alhamdulillah, parce qu'Allah finit descendre sa Qur'an. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala finit créer la terre et le ciel. Tout cela nous peut dire, quand nous peut guetter, par exemple, dans le commencement sur la Kahaf, sur la 18, Alhamdulillah, il l'a dit, anzala ala rabdihi al-kitab. Tout éloge pour Allah, c'est lui qui finit descendre sa livre, là, l'eau se serviteur. Éloge pour Allah. Nous peut trouver qu'Alhamdulillah, il est venu. Alhamdulillah, il fatir les samawati wal-ard. Alhamdulillah, tout éloge pour Allah, c'est lui qui finit faire la création, ben, l'échelle, la terre. Nous pouvons trouver qu'Alhamdulillah, il vient en général dans n'importe quelle situation. Mais seulement, nous sommes capables de dire Alhamdulillah, basant le bas de situation spécifique, comment ça dira là? Nous dit Alhamdulillah. Tout éloge pour Allah, mais qui fait? Alladhi, c'est lui. Alladhi, c'est lui. Alladhi, comment nous finissons dire, chers frères et sœurs, c'est lui-même qui, au pluriel, il vient Alladhina. C'est lui-même, au pluriel, quand nous habitons à Nia Ayyuhal, Ladhina. Alladhi. Rafani, Rafa, nous coupe le mot en D. Nous coupe le mot en D, chers frères et sœurs, les vignes du mot Al-Rafia. Sa alif qui nous veut trouver là, veut dire qu'il trouve après la lettre Fa, c'est un alif qui est attaché dans le mot. Rafia, Rafa, c'est un mot arabe qui nous servit, chers frères et sœurs, pour nous condition l'eau, la santé. L'eau, la santé. Nous dit bien, Rafia, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner nous, de Bandura, là-dedans nous dit, nas'allallahu al-Rafia. Nous demande Allah subhanahu wa ta'ala, Rafia, l'eau qui lui peut retourner, l'eau ban protection, l'eau ban faveur qui endimoun gagné concernant sur la santé. Ni, nous, avec Yé, comment nous dit, chers frères et sœurs, il retourne l'eau personnelle. Personnelle. Veut dire pour moi. Ni, il réfère l'eau moi, la personne. Moi, on veut faire quelque chose d'une personnelle pour moi dans le langage arabe, moi, j'ajoute un Yé avec lui. Masjid. Moi, on veut faire lui une mot masjid. Qui me dit? Masjid dit. Beit. Moi, on veut faire lui une mot la case. Beit veut dire la case. Moi, on veut faire lui une mot la case. Qui me dit? Beiti. N'importe qui chose m'imagine. Moi, on veut faire livre pour moi, ajoute un yé à la fin. Ajoute un yé à la fin. Ça, c'est ces trois mots qui nous dit prend. Semaine passée, Alhamdulillah, veut dire de Allah, il commence de sa façon-là. Alhamdulillah, alladhi hafani. Tout éloge pour Allah. C'est lui qui rafani, en d'autres mots, on peut reconnaître faveur qu'il y fin faire, le mot condition physique et que le mot la santé. Prochaine étape qui vient de Dorala, chers frères et sœurs, les temps où on peut remercier Allah, on peut reconnaître ce faveur, on peut accepter tout éloge pour lui, il finit de demander bon la santé. Il finit, protège-moi contre quoi? Contre mauvaise santé? Oui. Les fins protège-moi contre quoi? Si mon gagne bonne condition physique, veut dire Alain protège-moi contre? Contre une malformation. Tout bonne bon quelque chose qui nous est là. Veut dire, cher frère, si mon prend un bon repas. En d'autres mots, Alain protège-moi contre quoi? Contre un mauvais repas. Imaginez-nous, mon petit business a dit moun, qu'il faudrait me passer contre une poubelle, me fouiller, me guetter si pas un petit bout de pain là-dedans. Comment tu peux être? Comment moi tu peux être, cher frère? Ça, quelque chose qui me trouve moi pégain. Un plaisir, veut dire mon satisfait avec lui, Alain protège-moi contre quoi? Contre les contraires. Contre les contraires. Pareil comme ça même, là, une semaine qui nous gagne résultat à l'école. Mon enfant téléphone-moi, mon de travail, pas alhamdoulilah, mon passé. En d'autres mots, Alain protège-moi contre quoi? Contre mauvais résultat. Il y a les mêmes comme ça, cher frère. Il y a les mêmes comme ça. Chaque faveur qui m'a fait gagner. Grand matin, mon levier, alhamdoulilah, mon bien dormi. Mais en d'autres mots, Allah protège-moi contre quoi? Contre un mauvais sommeil. Qui m'a-tu pour lever? La tête fait mal, guébord la tête. Allah protège-moi contre ça. Donc, comme on peut dire, Alhamdulillah, il l'a dit, Rafani, tout éloge pour Allah, c'est lui qui vient accorder une bonne santé, une bonne condition physique. En d'autres mots, je vais remercier lui toujours contre les contraires de ça, oh Allah. Je vais remercier toi contre les contraires de ça. Les contraires de ça, c'est quoi? Qui finit de dire Allah? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dire de dire Allah, il dit mimma. Mim, shadda, alif, fatha. Mimma. Quand nous guettons le mot, nous trouvions à trois lettres, mim, alif. Mais seulement, le mot dans lui-même, c'est mim, nun, mim. Mim dans le langage arabe qui veut dire depuis. Ma, qui veut dire dans le langage arabe, c'est lui, pareil que mal l'a dit. Mimma. Rasul sallallahu alayhi wa sallam de ça de Allah lui dit Alhamdulillah, alladhi rafani mimma. Le mot, c'est pas mimma lui-même. Le mot, c'est quoi? Le mot, c'est min, minnoun. Min veut dire depuis. Ma veut dire c'est lui, quelque chose. Chers frères et sœurs, pour me plier, comprends-le, ma zine dernier si parra, dernier djouz. Dernier djouz, c'est qui djouz? Nous devons dire amma. Il vrai. Qu'est-ce que je gagne lui? Amma. Parce qu'il est dans la tête, il a quoi? Il a rien avec mim. Quand on peut dire moi, Amma, je trouve ça devant moi. Comment je trappe dernier sipara, dernier djus, je trouve Amma yatasa aloun. Livré. Mais seulement, les bons me connaissent qui séparent Amma, ça. C'est quoi? C'est Ranmada. Ranmada. Yatasa'aloun. Dans le langage arabe, nous pas dire de Coran. De Coran, si Allah subhanahu wa ta'ala finit à mener comme ça, dit comme ça. Ton show demain, vous dites, non, vous connaissez pour chaque lettre qui nous vient, nous gagne 10, non, moi vous dis Ramma, moi vous dis Ramma, Ramada, Yatasa'aloun. Ça, moi, vous avez le droit de faire. Nous dire bien, c'est pour ça, nous pas dire de Coran, mais nous dire de langage, dans le langage arabe. Dans le langage arabe, chers frères et sœurs, quand Ena, des mots commencent par mime et au milieu d'autres, pour ena un noun. Quand pour ena des mots, un commence par un reine, et deuxième c'est mime, au milieu ena un noun. L'épévine de un genre de question, ça nous l'a tombé. De langage arabe. Quand ena, des mots là, ça qu'en des délits. Les deux commencent par mime, au milieu, non, ça nous n'a pas tombé. Deux mots. Un commence par reine, un commence par mime. Au milieu, il y en a quoi? Il y en a non. Ça nous n'a pas tombé. C'est ça qui vient Hamma. Au fait, quand nous disons Hamma yatasa aloun, dans Surah Naba, nous disons Hamma. Chers frères et sœurs, pareil comme ça même que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire Mimma. C'est Min, Mal. Ça. Qui ça? À qui chose tu peux faire référence? Tu peux dire Alhamdulillah, tout éloge pour Allah. C'est lui qui finit de moi une bonne santé, finit de moi une bonne condition physique, depuis. Mimma, si nous traduisons lui direct de Haditha, il veut dire depuis. Depuis qui était? Depuis, dès qu'il mot, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam servi. Alhamdulillah, alladhi afani mimma ibtalaka. Je suis impressionné, vous restez réciter, juste pour qui, juste entendez, il devient facile pour nous. Nous dire bien, c'est une de bonnes étapes fondamentales, primordiales, qui beaucoup de monde, quand je trouve apprendre un surah, je brille. C'est qui étape? Aujourd'hui, mon décide pour apprendre sur Yassine. Alhamdulillah. Mais qui te fait? Comment je saute Fajr, je rentre la case, je prends mon Coran, je mets devant moi Yassine, le Coran, le Hakim, Yassine, le Coran. Je récite, quand il rentre pour moi le troisième ayat. Bien bon, alhamdulillah. Mais comment tu arrives? Pas beaucoup le dixième ayat. Wadja Amin Aqsal Madi Nati Rajulun Yasra. Tu veux comment je prononce ban mot qui ne pas entendre? Chers frères et sœurs, excepté les trouver, mais comment vous dire ça? Mais commencement qui n'arrive moi. Vous connaissez qui fait arrive nous ça? Parce qu'il nous brille une étape. C'est qui étape? Mazin, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, celui qui Quran fin descend le lit, Jibril alayhi salam vient avec lui, lit avec lui. Sa prophète là, écoutez avant. Écoutez. Ensuite, il commence à réciter. Jibril alayhi salam, pas de venir avec un papier, oh Muhammad, Allah révèle ça vers toi. Ok, tu vas prendre rien? Non! Il vient avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il lit. Ensuite, oh Muhammad, lire. Dès là que les prophètes commencent à lire, jusqu'à ce qu'il y ait lit à ce moment-là. Première étape qui est là quand nous apprenons une petite chose, chers frères et sœurs, c'est nous écouter lire. Faudrait les oreilles l'attendent pour la bouche là connaît comment? Comment vous prononcez? Mais si vous ne pour moi, nous prenons un exemple. Tu as l'air dans la case, fais un test avec nous-mêmes. Mais seulement un test avec toute sincérité. Ouvrez la fin sur Al-Hashr. Sur la 59, la fin sur Al-Hashr, que Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'il y commence, concernant Ya ayyuhalladhina amanu, O bankina iman, paye Allah pour ça qui pourra arriver demain. Avant arrive sa bout là, get un tigit là-haut. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa kana aqibatahuma annahuma finnar. Et certainement, récompense la fin de les deux, je te pousse dans l'enfer, tous les temps qu'on nous tend l'enfer, qui nous tendait? Finnari khalidi? Khalidina? Oui, non. Tous les temps nous tendent. Finnari khalidina fiha, finnari, ou bien fil jannatil khalidina fiha, tous les temps nous tendent ça. Mais dans sa place là, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, khalidaini fiha. En fatha qui vini. En fatha qui vini. Et non pas un kasra. Dans toute place dans le Coran, il y a khalidina fiha. Dans sa place là, dans le Coran, il y a quoi? Khalidaini fiha. Il vient en fatha de sa place là. Imagine-nous, si moi puis apprendre ça pour moi, pour qui? Qui m'a-tu vous dire là? Il vient Khalidina fiha. Mon père ici trouve sa fatha là. C'est pour ça qu'à chaque fois nous se répète de là. Pour qu'il au moins doucement nous répète-lui. Alhamdulillah. Ça nous déjà connaît. Alladhi afani mimma ibtalaka. Ibtila. Premier mot qui vient, c'est le mot ibtila. Ibtila, c'est quoi? Ibtila. Ibtila, chers frères et sœurs, c'est un mot arabe qui veut dire un test. Un test. Un test. Qu'est-ce qu'on appelle un test? Ça veut dire un moment que Jimouna lui peut être testé pour être sa patience. Pour être ban kitcho qui est attaché afin qu'il y ait une récompense pour ça. Ibtalaka. Qu'avait dit toi? En deux mots, comme on peut dire ça, dit mon nom, on peut dire tout éloge pour Allah. C'est lui qui fin garde moi en bonne santé. Il fin protège moi contre quoi? Contre ça, qu'est-ce qui te gagne là? En d'autres mots, chers frères et sœurs, quand un djimoun est né avec un handicap, qui a l'inféoli? Un test qui a l'inféoli là. Allah subhanahu wa ta'ala fait un test avec sa djimoun là et aussi avec ce, avec sur la famille. Avec sur la famille. Comment nous connaissons ça? Comment vous êtes capable de dire ça? Qui a l'inféoli test avec lui? Capable de famille, l'inféoli fait telle chose, pas une voix comprimée, etc. Mais il n'arrive dans sa dora là. Chers frères et sœurs, être sûr, si il y a une malformation de un enfant, un test depuis Allah. Quelle importance nous connaît, nous gagne la conviction que c'est un test depuis Allah. Chers frères et sœurs, des hadiths. Un, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui compte un djimoun, qu'il était avec lui? Il testait lui. Mais là, il commence à tester lui depuis naissance d'enfant. Qui a été Allah ou t'es content sa parent là à l'os? Depuis naissance aux enfants, les testélis. Et déjà, quand Hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fait nous connaître, quand un enfant finit en bas d'âge, malgré lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout quelque chose, quand un ange vient, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, oh Allah, mais nous tiens la vie un tel. Mais c'est pas aux enfants, ça? Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout. Mais seulement, question là, vini pour nous réfléchir. Allah, ben Anza dit oui, oh Allah. Il dit, ben, Moussa, vite, qu'il dit. Il dit, ben, alhamdulillah. Il dit, ben, arrange pour lui en la case de Jannah, appelle ça Baytul Hamd. Appelle ça la case d'éloge. La case qui fait louange. En deux mots, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, où les tester nous, en tant qu'un parent, plus grand test là, l'Oksana qui vini. Le nos propres enfants. Le nos propres enfants. Chers frères et sœurs, sa difficulté qui nous gagne de travail là, sa difficulté qui nous gagne de la santé là, c'est un test, ça fait aucun doute. Mais plus grand test pour un parent, il vient depuis qui ça n'a. Depuis ses enfants, chers frères. Depuis ses enfants. Les capables, les enfants là, pas écoutent lui, ou bien les enfants là, loin avec lui, ou bien les enfants là, malades. Comment finir un malade, l'autre malade, les enfants là, de n'importe qui façon, être sûr, moi en tant qu'un parent, vous pouvez vous plier d'esprit haute qui est là. C'est depuis qui ça n'a. C'est depuis vos propres enfants. Ici, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs, peut faire nous connaître que quand un qui est né avec une malformation, c'est un test qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire avec lui. Si nous ne faisons pas ce test là, alhamdulillah, c'est pour ça qu'il dira que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous dit alhamdulillah, alladhi afani mimma ibtalaka. Tout éloge pour Allah. C'est lui qui fin garde-moi en bonne santé, lui fin protège-moi depuis ça qu'il fin faire, depuis ça qu'il fin faire test avec toi. Ça, c'est parti droit qui est avec nous. Et Inch'Allah, l'autre semaine, nous continuons avec lui, chers frères et sœurs. Nous continuons nos sujets. Quand nous faisons nos sujets, c'est, et quand nous finissons, Inch'Allah, tous les lundis, nous parlons de cette façon-là, c'est parmi ban signe, ban action qui prend place, qui nous connaît. Ça, c'est un de bonnes signes qui jouent rien après. Et comme on a habitué d'y aller, chers frères et sœurs, papi a dit les temps qui est à droite, à gauche. Guette dans moi-même. Guette dans moi-même, lié en dans moi, lié l'action, moi, mon péché, ou bien dans mon lacage. Ou d'une autre façon, comme on utilisait aussi, pas nécessaire qu'on dit comme ça, c'est une mauvaise chose. Mais ça qui nous cite là, c'est une mauvaise chose. Pas veut dire qu'on dit comme ça, c'est une mauvaise chose. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, parmi les signes qui criamment peut rapprocher, c'est qu'il y a une madame pour être son michel de business. C'est pas une mauvaise chose, ça. Loin de là. C'est pas une mauvaise chose. Mais seulement, ce qu'on dit pour prendre place, attendre qu'il joue criamment pour arriver. Pareil comme ça, même, chers frères et sœurs, sa prophète l'a venu. Nous déjà dit à lui, mais seulement nous participons en tant qu'un signe criamment. Sa prophète-là, il vient de faire certaines actions. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons beaucoup de monde qui nous l'apprennent. Ils viennent, ils expliquent nous d'une. Si tout le monde comprend d'une, je suis capable de couper français moi-même. Qui veut dire pour ça? Mon apprendre qui veut dire faraz, obligation, wajib. Mon apprendre qui veut dire sunna. Mon apprendre qui veut dire mubah. Mon apprendre qui veut dire makruh. mon apprendre qui veut dire haram. Alhamdulillah, nous connaît. Donc, le temps où je moi, mon mort sur sa balance, ça porte de mon pouce. Quand m'arrive une action, je prends le mettre le balance. Ah, sunna ça, sunna ça. Sunna ça. Je pressé avant qu'il me dise sunna, m'avine que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit une parole, excepté pour wahi. Allah qui finit de le dire ça. Que Allah subhanahu wa ta'ala dans surah 53, surah Najm, il dit « وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوْهَىٰ » Il n'y a pas cause pour sa passion, excepté ses wahi. Veut dire Allah fin inspire dans lui pour lui dire sa parole-là. Le prophète peut dire ça pour lui. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire à nous, chers frères et sœurs, qu'il y en a un namaz qui si nous fait aller, sa 360 joint qu'il y en a dans nous l'écho là, au fait, nous n'avons pas d'accord pour donner tous les jours pour ça, pour haine. Et nous avons 360 d'accord. Comment nous pouvons faire ça? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a des rakat. Après soleil levé, jusqu'à arriver dans les awal, un des gens qui fait ça des rakat, il y a absolument, comment dire, l'infini, c'est ça 360 d'accord. Quand le prophète il dit ça, il y a 6e jour, il décide, je vais dire, je vais faire un hadith là, est-ce qu'il peut dire qu'il décide ça? Ou bien faudrait Allah subhanahu wa ta'ala inspirer lui dans lui. Mais seulement la différence qui vient, c'est que sa robe là pas fin ou l'impose lui le nom. Connais qui fait? Parce que là nous vous faisons retourner, nous rentrons dans Makka, nous imagine sa prophète là, quand Jibril alayhi salam vient avec lui, il dit, oh Muhammad, suive-moi, Burak Deo, lui montre le Burak qui a Palestine, ça qui nous appelle Miraj. Quand il descend, il arrive là. Sixième des ciels, les jeunes Moussa alayhi salam. Oh Muhammad, qui t'en gagné? Il dit à mon gars 50 namaz. Nous connaissons l'événement, mais c'est ma prendre juste la fin. Oh Muhammad, comme il vient dire? Il dit Allah fin fait les 25. Oh Muhammad, dis-moi pour dîner, tu peux pas faire 5. Moussa alayhi salam. Oh Muhammad, dis-moi pour dîner. Moi, tu es avec Bandimoun avant toi, tu peux pas pour faire 5. Oh Muhammad a demandé. Dès la Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui dit, mon honte, mon redeman Allah ça. Chers frères et sœurs, Moussa alayhi salam qui dit, 5 namas, saute combien là? Saute 50 là. À la moyenne de 10 namas pour les temps. Si ça qui est obligatoire là, nous, vous connaissez qu'il y a l'obligation, veut dire, dans Ramadan, 50 namas, coûte que coûte, je vais faire. Oubliez pas les autres jours là, ça nous plonge là. Nous faisons cause Ramadan. 50 namas, motif pour bien faire à la moyenne de 10 namas pour les temps. Que ça robe la côte ça. Il fait ça vine combien? 5. Là, je nous connais combien nous veut brûler là-dedans. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala pas fait vine comme ça parce que juste nous pétons, nous pétons comment les loups. Moi, nous, c'est ça qui est en pratique. Juste nous pétons, motif bien faire 50 namas, mais comment tu peux être? Ah, c'est ça qui donne la vie pratique. Chers frères et sœurs, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne pas mettre ça obligatoire le nous. Non. Il ne pas mettre ça obligatoire le nous. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala ne fait ça dans ma obligatoire le nous. En d'autres mots, mon diable, il n'est pas obligatoire ça. Livré. Livré. Mais seulement c'est ça même signe qu'il là ça. C'est quoi? C'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit pour arriver à l'époque que mon ban pratique qui est fortement recommandé dans l'islam. Dis-moi, il faut commencer. Quitter. Citant. Mais dire, je dis, citant, je cite. Je dis, ça c'est sunna, ça. Ça c'est sunna, ça. Je cite l'action. Nous redire. Ben, il y a des hissa'a. Parmi Bansi qui, par devant, connaît Kriyama, puis arrivé. C'est quand on arrive à l'époque. Bansunan. Allati ra'abati hal islam. Qui l'islam fin met beaucoup rouba, veut dire fin met beaucoup l'emphase là, fin recommande beaucoup pour faire ça. Quand dit moun là, pour quitter lui, en citant, je peux dire, ça c'est sunna ça, nous qu'à quitter. Chef, c'est blié, les restes, get mon même master. Mon vie connaît que ça m'a fait là. Nous voyons pour la cause le hukm, ça namaz là. Mais seulement, imagine-moi, je rentre dans ma zig, moi, cisé. Un dimoun est tous mes épaules, dis-moi comme ça. Tu rentres dans ma zig, toi, tu as fait des rakats. Ouais, on connaît. Dans mon église, on a su une nasse à deux temps. Mais ça m'a venu, moi, si c'est. Comprends bien qu'il m'a fait là. Nous avons causé les temps là, hein, et les temps. Mon rentre dans ma vie qui soit un monsieur, un madame. Mon guette les temps, et n'a les temps. 5 minutes, full devant moi. Chers frères, est-ce qu'il m'a réussi à faire ça des racas là? Nous avons causé l'eau, qui choque ça, namaza là, hein. Prends-le comme on peut dire, sunna là. Ça, c'est une action. Assiser, c'est guette comme sunna. Et n'a dans sa dîne, veut dire ban namaz. Ban namaz. Qui d'ordine, puis une faute m'a recommandé. Aujourd'hui, cher frère et sœur, je vais consacrer moi, c'est ça, c'est obligatoire là. Et mon point fort, c'est quoi? Sunna. Mais c'est un petit prophète d'un genou. Quand on commence à raisonner de sa façon là, nous ne sommes capables de prendre tout, cher frère et sœur. Mais nous prenons 10 quelques pour nous terminer pour aujourd'hui, pour me guetter au fait. C'était ban namaz, oui, sunna. Mais seulement de Modine, c'était ban action qui était fautement recommandée à l'époque. En approchant des jours qu'yama, comme on trop comprend que sunna pas obligatoire, veut dire pas pour un péché, mon quitte lit sans qu'il me rende moi compte. Si moi, me permet en pratique, ça qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est une fille, ça fait. Sinon, qu'est-ce que c'est maintenant? Si moi, pas mettre sunna là en pratique, sans qu'il vous fait ça, sinon, qu'est-ce que c'est à côté de ma vie, chaque mètre sunna du prophète en pratique. Nous commençons par namaz 8 heures. Namaz 8 heures. 8. Non pire. Mais dire que ma Aïcha fini, quand un rakat debout de faire lui. Pas nécessaire ou y'a sa doua là. D'ailleurs, Alhamdoulilah nous vient expliquer. Pas nécessaire ou y'a sa doua. Allahumma ahdina fi man hadait wa afina. Pas nécessaire ou y'a lui. Mais seulement termine ou ban namaz dans Aswar par un nombre à 4 non pire, soit un, soit 3, et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a fait namaz 8, 7 à 4. Mais ça qui est avec nous, c'est quoi? C'est qui, comme on finit faire Isha, et n'a un namaz fautement recommandé. Qui fait? Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah witrun yuhibbul witr. Allah subhanahu wa ta'ala, li non pire et li content non pire. Nous vous trouvez que c'est seul namaz avec des rakat avant Fajr, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, jamais tu peux quitter. Il y a un voyage, il est sur la case, il est malade, il est en bonne santé, jamais il quitte ce 8 heures, cher frère. Moi, dernière fois, je fais 8 heures, oui, dans le Ramadan, il m'amène dehors, moi, je dis, c'est le dernier 8 heures, mon frère, là. C'est le dernier 8 heures, mon frère, là, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Mais qui m'a fait à l'os? Quand Imam Ahmad, rahimahullah, lui dit, وَمَنْ لَمْ يُوَتِّرْ فَهُوَ رَجُلٌ سُوْ فَلَا يُقْبَلُ شَهَادَتُهُ. Celui qui n'a pas fait un namaz 8 heures, c'est un mauvais du monde. Pas accepter ce témoignage jamais. Pas 5 namaz, vous pouvez causer là? Namaz 8 heures. Veut dire demain, quand il y en a Nika, comment on trouve papa Tifi, il n'y a que sur des témoins, avant de demander des témoins, on écoute Tifi, on finit d'écouter, costume, une cravate, le lieu, quand il fait écouter là? On finit d'écouter, pas ça, premier question. Vous faites 8 heures? Vous voyez comment il trouve drôle ou drôle sa question, hein? Parce qu'il est obligatoire, il va faire. Une fois, il prend grand mamou, grand tcha-tcha. Grand mamou, grand... Nous permettons un témoin d'ordine pour un nikatini. Qu'est-ce qui témoin nous veut prendre, là? Nous avons grand mamou, grand tcha-tcha. Grand mamou, grand tcha-tcha qui... Point, point, point, point, namaz. Si vous allez dire, il ne faut pas lui faire, oui, vous riez parce qu'il namaz, il a déjà fait. Mais au fait d'ordine... Puis enseigne-nous qu'il y a un quelqu'un qui va faire 8 heures, c'est un mauvais jour. Pas accepter ce témoignage. Pas accepter ce témoignage. Ça est un amas. Chers frères et sœurs, un esclave est vendu. Un esclave. Esclave. Dans l'époque Ban Sahaba, même dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand on dit à nous, un esclave, c'est un quelqu'un qui ne possède non ni, parce qu'il y a une possession de son maître. C'est un esclave. So casse tout qui tient pour se mettre, ça qui dit lui obligé d'écouter. Un esclave est vendu vers un autre. Non, là, pas dans la tête. Arrive un lèvre, il lève se mettre. Arrive un lèvre, il lève se mettre. Se mettre, il dit, il finit arrive les fajr tout. Un esclave, là. Ce propriétaire, il dit, il finit arrive les fajr. Les propriétaires, là, il dit comme ça. Te l'eau laté, Allah te fait ça qui est obligatoire. Il dit, au fait, je vais lever toi pour ta hajjud, moi. Il dit, retourne-moi vers mon premier propriétaire. Retourne-moi vers mon premier propriétaire. Un esclave, il peut lever son maître pour faire ta hadjout. Ici, c'est même pensé, n'arrive les fadjal. Il veut dire, il fait son amas, oui, non. Il fait son amas. Pour l'inquiète, il n'arrive les fadjal. Mais l'idéalité, l'olaté, Allah te fait ça qui est obligatoire. Retourne-moi vers mon premier propriétaire. Papa vient nous tous les jours faire la hadjout, cher frère. Papa vient nous. Mais seulement parce qu'il s'est une de bonne action qui, comme au guetté de Ramadan, m'a levé énergie matin pour m'en tel mazine. M'a levé 3h du matin, parfois mon Michel bien travaille lendemain. Ou trouve-moi des heures fini les bons Michel. Non, allez, non, allez, mon gâteau pour bien pas serrer là-bas des assurements. Oh Michel, allez, moi, t'entends de le seul agréé de Michel. Mais dis pas autant, il travaille hier, il travaille demain. Madame, allez, moi, on se dit ça, n'est-ce pas, Inch'Allah. Mais la question qu'il nous pose, lui, depuis Ramadan jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il t'a levé pour ta hadjoud? J'ai dit, en dehors Ramadan, en dehors Ramadan, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'a dit avec ce bon compagnon, « La takounu mitra fulan, kana yakoumu l'ay, patarakahu, parvin kouma intil. » Lui, tu fais des bouts de la nuit, il n'arrête des bouts. Et t'as mon guetté, dis, « Et moi, mon débout, moi. T'as 11 mois là, mon pas, on va faire du ta hadjoud. » Chers frères et sœurs, comment nous pouvons dire, ce n'est pas une obligation. Parce que nous tous qui vous disons, mais parce que nous ça, mais c'est la même raison là, l'os. C'est la même raison là. À partir de là, get to ban namaz. Ban namaz, sunna qui est dans nos dînes. Commence pour ça 12 rakat là. 2 rakat avant Fajr, 4 avant Zohar, 2 après Zohar, 2 après Maghrib, 2 après Isha. 12 rakat. Chers frères et sœurs, quand dernière fois, nous avons 12 rakat là d'un jour. Pourtant, si dis à moi, bon, pas réussi, mais il y a une petite place de Floréal. Mon gars, il y a 53 pour toi là-bas. Ouh, de Floréal, mon gars, 53 pour moi. Oui, encore une fois, je connais. Il y a des coins pour toi. Vous connaissez quand tu es mon remercier à du monde là? Et vous connaissez qui est drôle? Il dit, moi, mon cadeau, je dis cadeau. Ça, parce qu'il m'a dit valait un bout de la terre. Un bout de la terre. 53. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, c'est lui qui fait sa 12 rakas là, Allah subhanahu wa ta'ala arrange pour lui pour chaque jour une lakas de Jannah. Une lakas de Jannah. À travers 12 rakas. Moi, je peux dire 12 rakas là, sunna, je peux. Moi, je peux dire 12 rakas là, sunna, je peux. Moi, je peux quitter. Mon copé qui crie sa 12 à 4 là. Mon papa récit imaginé comme on récit sa 12 à 4 là. Assar. Comme on vient à Assar directement, Allah, je vais me finir à des rakats alors hier moi. Parce qu'il m'avait passé, il ne faut pas rater. Moi j'ai fait bonnet ici, mais je finis pas si bonnet moi là. Ou bien qu'à là, on dirait attendre jusqu'à dernier, il est 6h pour là, on connaît comment finir à ça là. C'est qu'à Guilhem depuis grand matin qui vous cuit là, c'est pas le verre d'Iri là. Il fait Assar, il dit bon, je ne fais obligatoire là, il dit bon. Mais seulement il restait qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Man salla qabla al-ghasr arba, rahimahullah. C'est lui qui fait 4 rakats avant de faire ça, Allah gagne pitié pour ça du monde. Vous connaissez qu'il pitié Allah? Pitié, pitié. Allah pitié moi. Allah gagne pitié pour moi. C'est ça même qui nous demande de namaz. Warhamna, Allah gagne pitié pour moi. C'est ça même qui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Peina endimoun qui pourra de Jannah, excepté faudrait Allah gagne pitié pour lui. Pitié, pitié Allah. Allez, pitié moi, allez à l'os. Mais où les gagnent lui? 4 rakat avant ça. Comment faire? Comment faire, chers frères? Côté était. Aster, ça qu'on nous fait prendre dans la vie tous les jours. Prends-lui devant une circonstance, Aster. Devant une circonstance. Blié, disons, forme 3, forme 5, mon fini brille ta flamme au particulier. Chers frères et sœurs, est-ce qu'il n'y a pas de nous dire un salat, un namaz qui appelle namaz istikhara, un namaz qui nous fait pour nous prendre une décision. Pas trop de nous dire ça? C'est pas une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ça? Comme une décision de base, importante, qui nous prend, nous avons besoin de réfléchir, après demain nous marier, on va dire mine. Après, qui va vous dire? Ah, il y a mon petit quoi, mais qui t'en quoi? Parce que mon pensée, mon intelligence, mon pensée, décision qui m'ont prendre, mais ça n'a pas si rare à la côté. Côté, chers frères. Biazodi qui n'arrive pas. Combien parmi nous nous brille ça? Pour faire la case, pour faire la terre, pour déclencher un travail, pour déclencher un business, pour prendre une décision aux enfants, là, là, là, là. Aux enfants, il y a un résultat. Qui l'école pour avoir lui? Combien pas papa connaît qui l'école pour avoir, mais seulement Namal Tikara, pas vignim dans la tête. Pas dire pas vignim dans la tête. Mais quand nous faisons Namaz là, qui vous la viande bien poule? Quand nous faisons Namaz là, est-ce qu'ils vont déjà faire ça? Bon déjà vivre sa étape qui appelle me laisse Allah guide-moi en ça de là laquelle qui m'y est pour moi. Ou bien ça des gens qui m'ont prendre là, c'est pas les bons. Me laisse Allah guide-moi, c'est-à-dire. Comment nous veut briller comme ça, cher frère? Combien de namaz? Nous avons cause dans les autres pratiques, nous avons cause namaz là même. Parce que Hadith dit le namaz au salat. Combien de salat il y a dans nous dit qui au fait un croyant s'attacher avec lui. Mais seulement, cher frère, sœur, prétexte là, lila. C'est sunnah, ça n'est pas obligatoire. Fin de compte, jamais mon fait. Fin de compte, capable d'écouter mon fait dans Ramadan, à la fin, tu as été, mon fini oublié, ça ne t'en aime pas permettre. Chers frères et sœurs, acceptez sa pratique-là. Si vous prenez le moi, vous prenez le celui qui donne la case, vous prenez le celle qui donne la case, et vous avez été, donne la case, comment vous pouvez vivre à l'os? Est-ce qu'il n'y a pas trop de jours qui sont loin? Est-ce qu'il nous a coupé trop, jour qui est loin? Et dernier, chers frères, nous cause de bonnes frères, à chaque fois nous disons, les sous-entendus, ils commencent par premier celui qui peut causer. Parce que les oreilles qui plient près, on sent la bouche qui peut causer. Là, c'est mes oreilles. Mais j'aime moi, j'entendais. Imagine-nous quand ça sahaba là dire, mon frère, fermant l'eau Allah, pendant 40 ans, mon frère namaz, jamais mon pauvre lipi en djimoun devant moi. Elle comprend que je dis pendant 40 ans, mon fier namaz, jamais mon trouve les pieds en djimoun devant moi. Qui veut dire pour ça? Il doit premier ça. Il doit premier ça. Moi, ma zid mon voisin, moi. Ma zid mon voisin. Quand dernière fois, mon phénomène de premier ça. Moi, mon hasan est venu kamat. Quand je dis kamat, je vais dire que c'est hasan qui est venu. Vous l'avez vu, je vais faire kamat près là. Quand je dis un âme, bien loin, ça n'a là. Ça n'a là bien loin. Chef frère, vous connaissez qu'après 40 ans, pendant 40 ans, ni ne fait salat, ni ne fait namaz, jamais ni ne récite au bout du pied du monde devant lui. Chef frère, comme il y a sunnah, comme il y a hadith, combien de paroles recommandent-nous? Nous connaissons, nous ne finissons brûler qui 40 ans, on peut dire. Allez, nous mettons un jour, 5 namas, c'est difficile. Mais seulement pour jour, moi, en tant qu'un monsieur, un namas, on va réussir à gagner de premier sas. Un. Mettez-le dans nous, chers frères. Mettez-le dans nous. Essayez de pour jour, ça namas, tous les jours, vous produisez de premier sas. Faites ça, restez régulier, régularisez-le une semaine. Ça ne finit pas de moi, c'est-à-dire. Moi, de premier sas, de namas. Ensuite, route deuxième namaz. À travers sa façon. À travers sa façon, cher frère. Qui m'a amélioré au moins. Pas juste venir écouter. Ensuite, moi, Chalem vient dire, hein, qu'est-ce que ça veut nous faire vivre? Mais qui nous profite, moi? Il va profiter, non, cher frère. Il va profiter, non, rien. C'est comme moi, amène un changement à travers mon action. Là, je connais sa connaissance. Ça fait, tu profites, moi. Oh, donc, comme on ne connaît pas une bonne sunna qui fait mot à Zodji. Quand on dit, on gagne un premier ça. Fadja nous fait des premiers ça. Mais moi, il y a trois, dis-moi, ça, Fadja. Et un mauvais nid, on gagne, alhamdulillah. Les bons, toujours, on gagne un. Mais seulement, route un namaz qui m'a. Non, commence la guerre moi-même. Je besoin gagner un premier saf, ça namaz, premier saf. Ensuite, à partir de là, je dis tous les jours, ça namaz, je besoin gagner un premier saf. Y aller même comme ça, jusqu'à qui me trouve moi vraiment pour l'eau d'Allah, ça qui m'a fait apprendre, chers frères et sœurs, l'impuissance, ma situation. Je veux Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y soit par parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fais-nous rester capter, apprendre, afin qu'il nous gagne récompense, qu'il ait fait une promesse, préparer comme ça même. Ban si kriyama, qui au fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam finance en nous, qui ne sait pas ban bon qualité de un croyant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous enlève-lui. Qui nous parvient à sa catégorie du monde qui, sous prétexte sa sunna, nous quitte beaucoup pratique le prophète Muhammad. صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته